maintenant écouter Le Pélican, le petit poème de Robert Lesnos, qui fait partie des documents pour cette leçon dans le livre de texte. Le poème est lu par un enfant français. Vous verrez que même les enfants français ont certaines difficultés à prononcer certains mots. Le capitaine Jonathan, étant âgé de 18 ans, capture un jour un pélican dans une île d'Extrême-Orient. Le pélican de Jonathan, au matin, pond un œuf tout blanc, et il en sort un pélican lui ressemblant étonnamment. Et ce deuxième pélican pond à son tour un œuf tout blanc. D'où sort, inévitablement, un autre qui en fait autant. Cela peut durer pendant très longtemps si l'on ne fait pas d'omelette avant.